Estoy harto de ser un pendejo y de siempre tener que estar aquí cuando la patria nos dijo sus hijos. ¿Por qué me manda a chingar a la gente? No entiendo. Mi país me llama a la guerra, pero es desigual. No es lo que a mí me enseñaron en la academia. Ellos no tienen armas, ni siquiera hablan mi idioma. No tienen zapatos, tienen frío, les grita, nadie los escucha, pero los tenemos que calmar. Puta, a mí me enseñaron a ayudar y los tengo que matar. No mames, pero ¿qué más da? Solo es gente. Para la gente ya nada es nada. Poder se gana de otra manera. Je suis vert, je suis soldat. On m'a formé solidaire, les autres me sentent-ils comme ça? Je cours, je rampe, je brasse de l'air. Plus con mais plus fort qu'un civil. J'évite d'avoir le cerveau trop ouvert. L'armée m'a pensé, ainsi soit-il. Je dis oui ou non, ça dépend. J'ai juste à croire ce qu'on me pense. Mon treillis fidèle aux chances que je défends me fait danser la bonne danse. Finalement, je ne sais pas penser, non. Ne pas croire que je ne sers à rien reste un recours bien refoulé. Fidèle au modèle des politiciens, je me sens bien comme ça. On me paye la blancheur de mes draps. J'ai rien à demander, tout est là. Alors pourquoi, pourquoi ne pas vouloir ne pas en être là? Je sais que de n'être rien forme les hommes. Et plus je cours, moins je sens la bonne marche en somme. Travailler sans réfléchir et être content. Essayez de comprendre. Certains verront en nous un peu d'expéditif, plutôt s'armer que rentrer en négoce. Le temps a un aspect plus positif, être vivant c'est surtout positif et l'atroce. Mais je pense tout autant que vous qu'il faut bien occuper son temps, que ça laisse ou pas cet arrière-goût d'un peuple priant l'effort, mais pas le changement. Priant l'effort, mais pas le changement. Je pense aussi, s'il vous plaît, que trop de gens sont asservis par ce devoir civique, ce devoir de survie comme un grade tant reluqué. Yeah. fazer esse pedido sem encontrar la flauta tum pum, la flauta pam pam, la flauta. Cepillín, cepillín, en la feria cepillín.